Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Jérôme Prodhomme, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur d'un rendez-vous bien connu maintenant des Lorrains, c'est la Lorraine est formidable, ça va se passer cette année les 28 et 29 août à Lunéville. Cette histoire est née en 2012, est-ce que déjà dans un premier temps vous pouvez nous redonner un peu l'idée de départ de ce rendez-vous, la Lorraine est formidable? Bah, l'idée de départ, elle est venue du fait que je suis pas lorrain, moi. Quand je suis venu en Lorraine, elle m'a un peu épaté, cette région. Et quand je suis revenu en Bretagne pour les vacances, on m'a dit, quand est-ce que tu postules pour revenir en Bretagne? J'ai expliqué à mes potes qu'en fait, je me plaisais plutôt bien en Lorraine. Et je leur ai fait une espèce d'inventaire de ce que je trouvais sympa. Et en discutant avec un lorrain qui est donc cofondateur avec moi, on rigolait en disant, effectivement, on se rend pas toujours compte de tout ce qu'il y a de bon en Lorraine. Et il y en a un ou deux, je ne sais plus lequel, qui a dit, c'est quand même vrai que la Lorraine est formidable. Et en fait, ça nous a donné l'idée de faire une espèce d'inventaire positif de tout ce qu'on peut voir, faire et goûter en Lorraine pour que les Lorrains eux-mêmes, d'ailleurs, soient conscients des chances de leur région. Parce que la deuxième chose qui nous a motivés, c'est que je trouve qu'en Lorraine, on a toujours un peu de mal à célébrer la région. On est fiers à donner envie d'y aller. Donc on s'est dit qu'on allait faire d'une pierre deux coups avec une manif qui ferait un rassemblement positif de la Lorraine pour que les Lorrains en soient fiers et pour que les touristes la découvrent. Vous avez qualifié ce rendez-vous d'une manifestation populaire, gratuite, positive. Ça n'a pas changé en presque 10 ans maintenant d'existence? Non, effectivement, c'est toujours la philosophie du rendez-vous. C'est pas une manifestation identitaire, c'est une manifestation bienveillante, joyeuse, populaire dans le sens où tout le monde peut venir. Elle est vraiment ouverte à tout le monde et j'allais dire à tous les âges. C'est une manifestation positive, qui veut être joyeuse. En même temps, elle n'a pas tellement de raison d'être triste, puisque c'est quand même une manif qui rassemble le meilleur d'une région. Donc si vous voulez, quand vous voyez que des choses sympas et positives, forcément la manif, elle le devient. Une manifestation qui a beaucoup bougé. La première année, c'était Place de la Carrière à Nancy, c'était à Metz, à Épinal. Maintenant, c'est depuis 2-3 ans maintenant à Lunéville, au château. On a fait un break, hein. Vous savez, en 2016, quand la région Lorraine a disparu, on s'est dit, oui. Bon, bah, c'est foutu. Et en fait, ce sont des Lorrains qui nous ont dit, mais pourquoi on n'essaierait pas de le faire tout seul sans que la région fasse quelque chose? Alors, il se trouve que la région Grand Est a décidé de participer, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, tout le monde a mis un bout en co-organisant. Et le département de Meurthe-et-Moselle a mis notamment à notre disposition le château de Lunéville qui lui appartient. Ça s'est super bien passé. On a fait 35 000 visiteurs. On en attendait 20 000 en 2019. Après est venu le Covid. Et en fait, si vous voulez, les Lunévillois et les Meurthe-et-Mosellans sont des gens hyper fiables, hyper compréhensifs. Et depuis 2 ans, à chaque fois, on se dit, on va refaire une édition à Lunéville pour redémarrer. Et à chaque fois, il y a ce fameux maudit Covid. Donc, chaque fois, c'est redécalé. Si vous voulez, en gros, si je résume, on va où c'est le plus facile depuis l'arrivée du Covid. Et le plus facile, pour le moment, c'est Lunéville parce que les gens sont super sympas, parce que tout le monde y trouve son compte, je crois. Alors après, on devrait rebouger. Hein. On sait que, par exemple, en 2022, on va aller célébrer avec les Toulois les 800 ans de la cathédrale. On y sera en juin 2022. Déjà, une date à noter sur son agenda. Parlons de l'édition 2021 à Lunéville. Vous attendez là aussi presque 150 exposants, je crois. Qu'est-ce qui va se vivre sur place? Comment je pourrais vous expliquer ça? La manif, elle se déroule dans le parc des Bosquets, qui fait quand même presque 1 kilomètre de long. Vous avez donc 150 exposants. Il y en a, on va dire, un gros tiers qui sont des exposants gourmands. Tous la Lorraine, notre signature. Vous savez que c'est un label qui n'est pas attribué à n'importe qui. Il faut produire en Lorraine, il faut faire des choses de qualité. Et donc, ils viennent s'installer et faire goûter leurs produits. Vous avez tous les OT, quasiment, les offices du tourisme de la région. Ça, c'est super parce que ça vous permet de prendre des petites idées, notamment comme on sera à la fin des vacances, pour, vous savez, pour le week-end, pour occuper les gamins, quand vous avez des amis qui viennent, etc. On aura aussi des représentants du patrimoine. Je pense notamment, pas très loin de Nancy, au château de Fléville, qui est toujours très participant. Le château d'Arouet sera là aussi. Pour ces châteaux, c'est l'occasion de rappeler qu'on peut visiter le patrimoine pas très loin de chez soi, partir un peu dans l'histoire. Et puis, vous avez toutes les collectivités qui participent, je pense notamment au département, à la ville de Lunéville, à la communauté de communes du pays de Lunéville. Tous ces gens-là vont présenter leurs pépites touristiques. En fait, si vous voulez, l'idée, c'est d'être fier en découvrant ce que proposent les exposants, mais c'est aussi pour les Lorrains d'être surpris. Moi, j'aime bien parce que à chaque fois, je croise des gens, je discute beaucoup dans les allées, vous savez bien que je suis pipelet, vous avez bien vu. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'ils découvrent toujours des trucs qu'ils savaient pas. Et parfois, c'est en bas de chez eux, hein. Donc, dans ces exposants, vous aurez tout ça. Et puis, on a des temps forts. On a trouvé une troupe assez battante de gens qui font de l'escrime à l'ancienne, avec le salut, enfin, on se croirait dans les Trois Mousquetaires. On a le carnaval vénitien de Remiremont, qui est un fidèle du rassemblement, puisqu'ils viennent depuis la première édition à Nancy. C'est le plus grand carnaval vénitien de France. France et on en aura quelques costumés avec nous. On aura une batucada parce qu'on a envie de faire du bruit pour fêter un peu le retour de la Lorraine est formidable. Il y aura aussi, je pense à ça, un spectacle à cheval. En fait, l'idée, c'est que si vous venez nous voir, vous découvrirez au fur et à mesure. Vous irez goûter un petit bout de pâté lorrain. Alors, on a aussi les fameux 55 mètres de pâté lorrain le samedi à déguster gratuitement et 55 mètres de tarte à la Mirabelle à déguster le dimanche. Ça, c'est fait avec l'Académie gourmande des charcutiers. Et vous voyez, c'est un bon exemple de ce qu'est la Lorraine est formidable. Chacun fait un bout de ces 55 mètres, chacun fournit les produits et c'est gratuit pour le public. Que d'arguments pour se rendre les 28 et 29 à Lunéville à votre rencontre, à la rencontre de la Lorraine. Ce sera donc à partir de 10h avec le beau temps, on l'imagine, mieux qu'en 2020 oui. En tout cas. Oui, parce qu'en 2020, on s'est pris, on n'a pas eu de chance. Hein, et pourtant, ouais. J'avais été mettre un énorme cierge à Saint-Nicolas de Port. Vous savez que Saint-Nicolas, c'est notre saint patron. Bon, il nous a permis de faire une bonne journée le samedi, mais le dimanche, on s'est pris une tempête, en fait, dans la nuit du samedi au dimanche. Ouais. On s'est retrouvé que le dimanche, on ne pouvait pas travailler. En tout cas, cette année, ça va bien se passer. C'est toujours gratuit, je le rappelle. Et c'est aussi parce que des gens comme vous et comme Radio Fadjet s'y mettent aussi qu'on arrive à garder cette Lorraine. Parce que finalement, on est peut-être la seule manifestation totalement Lorraine. Ça permet de rappeler que cette région, elle existe toujours, au moins dans les cœurs. Merci beaucoup, Jérôme Prodhomme. Merci à vous, Fadjet.